la Voie lactée. Millions, millions et millions d'étoiles. Je suis, dans l'ombre affreuse et sous le sacré voile, la splendide forêt des constellations. C'est moi qui suis l'amas des yeux et des rayons, l'épaisseur inouïe et morne des lumières. Encore tout débordant des effluves premières, mon éclatant abîme est votre source à tous. Ô les astres d'en bas, je suis si loin de vous que mon vaste archipel de splendeurs immobiles, que mon tas de soleil, né pour vos yeux débiles au fond du ciel, désert lugubre où meurt le bruit, qu'un peu de cendres rouges épartent dans la nuit. Mais, ô globes rampants et lourds, quelle épouvante pour qui pénétrerait dans ma lueur vivante, pour qui verrait de près mon nuage vermeil. Chaque point est un astre, et chaque astre un soleil.